Ferme les yeux, éteins ton souffle, oublie la lumière. Laisse le sable entrer, laisse le vent t'effacer, laisse le silence parler à ta place. Raiders qu'il parle sans bruit, ses mots traversent les eaux, ils n'ont pas besoin d'air, ils vivent dans le dessous. Là où tout est vrai, là où le masque tombe, le dessous du monde, là où rien ne pousse, là où la foi est nue et la peur effacée, là où ton nom devient poussière et ta voix devient lien. Chaque grain écoute, chaque souffle porte un nom, chaque silence est un enseignement et nous les récitions. Je deviens.